ngeshi, mulo ngeshi, kumango ngatuya mwetu, kumango ngatuya mwetu, tuya kwela bya matamba, tuya kwela bya matamba, biji mwenye ne kadungu, mulo ngeshi. Maître d'école, sonne la cloche. Nous voulons rentrer chez nous, nous voulons rentrer chez nous. Allez manger du foufou avec des feuilles de manioc, c'est bon avec du piment. Maître d'école. Moulong eshi, kumango ngatuya mwetu, kumango ngatuya mwetu, tuya kwela bya matamba, tuya kwela bya matamba, biji mwenye ne kadungu, biji mwenye ne kadungu, moulong eshi. Nous voulons rentrer chez nous, nous voulons rentrer chez nous, allez manger du foufou avec des feuilles de manioc, c'est bon avec du piment, c'est bon avec du piment, maître d'école.